conseil. Ma paix barou, faut coucouter. Quoi suspendrait même tout bon jeune gens. Où ça ouais, devant la fête. Où t'es petit, où t'es qu'un maman. Avec papa, qui pourrait de où. Tout ça blé, y'a t'obligé, blé tout. Ouais, qu'on y est, c'est pas même bagaille. Accident. Belle petite, mon petit conseil. Ma paix barou, pour couper. Quoi suspendrait même pour bon jeune gens. Où ça ouais, devant à faire où. Où t'es petit, où t'es qu'un moment. Avec papa qui pourrait de où. Où s'envole, y'a t'obligé de tout. Où est qu'on y a, c'est pas même bagaille. Conseil, toujours bon, coutel. Ou à changer, chéri. Mon kawan. Passer mal.